de Saint-Preux à Milord-Édouard. Je vais, Milord, vous rendre compte d'un danger que nous courûmes ces jours passés, et dont, heureusement, nous avons été quittes pour la peur et un peu de fatigue. Vous savez que la maison de Madame de Volmar n'est pas loin du lac, et qu'elle aime les promenades sur l'eau. Au lever du soleil, nous nous rendîmes au rivage. Nous prîmes un bateau avec des filets pour pêcher, trois rameurs, un domestique, et nous nous embarquâmes avec quelques provisions pour le dîner. Nous passâmes une heure ou deux à pêcher à 500 pas du rivage. La pêche fut bonne, mais, à l'exception d'une truite qui avait reçu un coup d'aviron, Julie fit tout rejeter à l'eau. « Ce sont, dit-elle, des animaux qui souffrent. Délivrons-les. Jouissons du plaisir qu'ils auront d'être échappés du péril. » Nous avançâmes en nuit en pleine eau. Puis, par une vivacité de jeune homme dont il serait temps de guérir, m'étant mis à la barre, je dirigeai tellement au milieu du lac que nous trouvâmes bientôt à plus d'une lieue du rivage. Là, j'expliquais à Julie toutes les parties du superbe horizon qui nous entourait. Tandis que nous amusions agréablement à parcourir ainsi des yeux les côtes voisines, un coup de vent subit nous poussait de biais vers la rive opposée, s'éleva, fraîchit considérablement, et quand nous songeâmes à revirer, la résistance se trouva si forte qu'il ne fut plus possible à notre frêle bateau de la vaincre. Nous nûmes tous aux rames, et presque au même instant, j'eus la douleur de voir Julie saisie du mal de cœur, faible et défaillante au bord du bateau. Heureusement, elle était faite à l'eau, et cet état ne dura pas. Cependant, nos efforts croissaient avec le danger. Le soleil, la fatigue et la sueur nous mirent tous hors d'haleine et dans un épuisement excessif. C'est alors que, retrouvant tout son courage, Julie animait le nôtre par ses caresses compatissantes. Elle nous essuyait indistinctement à tous le visage. Enfin, à force de travail, nous remontâmes à Meillery et, après avoir lutté plus d'une heure à 10 pas du rivage, nous parvîmes à prendre terre. En abordant, toutes les fatigues furent oubliées. Nous dînâmes avec l'appétit qu'on gagne dans un violent travail. La truite fut apprêtée. Julie, qui l'aime extrêmement, en mangea peu. Et je compris que pour ôter au batelier le regret de leur sacrifice, elle ne souciait pas que j'en mangeasse beaucoup moi-même. Après le dîner, l'eau continuait d'être forte et le bateau, ayant besoin d'être raccommodé, je proposai un tour de promenade. Julie m'opposa le vent, le soleil et son germe à lassitude. J'avais mes vues. Ainsi, je répondais à tout. Elle fit ce que je voulais et nous partîmes pendant le dîner de nos gens.